بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسن فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. لماذا تتكلمون بغير علم أنت أو غيرك؟ لماذا وأنتم تتزعمون أنكم دعاة سلفية بغير حق؟ لماذا تتكلمون بغير حق؟ والله يقول: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق والحق قامت به السماوات والأرض. لماذا تدافعون غير حق؟ لماذا تضادون الدعوة السلفية في دماج؟ ما منتكم عليها ومن حضرتكم؟ إيش دماج؟ ماذا فيها يعني؟ كل من جاءها ولا مر عليها صار سنيا سلفيا. في عهد مقبل ما كانت كذلك وغيرهم. رجل صالح تاب قبل أن يموت بشهرين متأثر بشيخه أنهم خوارج في هذا الفكر، وبدأ ينشر بعض الكلام على أني ما قلت ولا قصدت ولا عنيت ولا كذا. كل هذا كيف ما قصدت؟ كلامك واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار. تتكلم على أهل السنة، تتكلم على الشيخ، على طلابه أنهم كانوا خوارج، أنك ما تحسنون بهم الظن وأنكم كذا. وإيش أنت يا أخي؟ فين نزلت نفسك؟ فين؟ وين رايح أنت يا بخاري؟ وين؟ طهمونية ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نمرو 13. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، نكمل ما تقدم من بيان تناقضات عبد الله البخاري أو عبد الله البخاري في هذا الشريط أو في ذلك الشريط المخفي. On a cité plusieurs contradictions dans ses paroles et c'est واضح. Et on comprend mieux pourquoi il voulait pas que cet audio il apparaisse. لكن الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة. Et parmi les choses qu'il a citées via le شريط طعونات كثيرة في الشيخ مقبل رحمة الله عليه وفي طلابه. Le كلام qu'on va lire, ما أظن واحد يشك أنه c'est du طعن. حتى هو il sait que c'est du طعن. فلهذا il s'est senti obligé أو il a été poussé الله أعلم de revenir. لكن on va voir حتى هذا الرجوع il est pas صواب. لأن الرجوع التوبة a des conditions bien sûr. Et ces conditions, elles sont applicables pour tout le monde. Personne est au-dessus du shara. لكن الحقيقة الكلام واضح. بل حتى بعض رؤوس المبتدعة بعض الظلال ils n'ont pas été aussi durs envers Cheikh Mokbel et ses élèves. للأسف. وهذا dans ce charit حقيقة الشريط dès que tu تتأمل ils l'ont appelé pour des conseils par rapport à الدورة et par rapport aux deux cheikhs qui sont venus, Cheikh Mohamed Mani' et Cheikh Hassan ibn Qasim al-Raymi, hafidahumullah. Haqiqa, il répond, s'ils sont égarés, montre les adillah, nsah les ikhwanik. La cassette, elle est publique, il y a du monde, robama, ils viennent de l'extérieur, il y a, ta'lamoun, on a d'awra, elle est propagée sur internet, des audios, beaucoup d'indonésiens y participent. Montre, bi adillah, bi hudou, bi sakina, avec un bon comportement, montre les erreurs, et propage. Si c'est à la hada. Amma, il ne les connaît pas au départ. Thumma, il les connaît. Thumma, Cheikh Rabi, il n'est pas au courant. Il y en a celui qui l'a informé. Thumma, il dit à Luqman, l'Indonésien, il lui dit: pourquoi tu as prévenu? Pourquoi tu as appelé Cheikh Rabi? Ça montre que Luqman, il a appelé Cheikh Rabi, il a prévenu le Dora. Alors que lui, il disait: c'est moi qui ai prévenu Cheikh Rabi. Alors que Luqman, il l'a appelé avant. Thumma, il dit: pourquoi tu as appelé Cheikh Rabi? شوف طعن في الشيخ مقبل يبغى باك les indonésiens ou les appelle Cheikh Rabi. كان الرجل يبغى que المسألة c'est lui. C'est pas هكذا. ثم la conclusion n'assistez pas عند هؤلاء de سفهاء. À un moment في الشريط il leur dit occupez pas d'eux, c'est des فرق أي أصحاب دماج. طلبوا العلم. شوف en Indonésie نحن الحمد لله il y avait beaucoup d'indonésiens à دماج. On sait comment allait la situation en Indonésie في العلم. Ça n'a rien à voir avec Dammaj, abatan. Lakin, il fait croire à l'homme trop pour l'ilm et laisser Sahab Dammaj, c'est des faragas. Thumma, il conclut أنهم سدي موفيس بيرسون سدي ميم لور شيخ اي دي مونتر ان ميم على ليبوك دو شيخ مقبل كما زيت اون لور فيزي با كونفيونس ميم على ليبوك شيخ مقبل اون سافي با سيز ايتي على فكر لور شيخ شيخ مقبل سدي خوارج جملة طان طان طان اي على فا ne propage pas. Allah tata'ajjab. C'est ça l'ilm. C'est ça l'ilm. Un mubtil, tu mets en garde. Le but que tu as parlé, c'est pour que les gens ils soient en garde. Ils font attention à l'égarement. C'est ça. Enfin, si c'est ça le but, jazakallah, il fait le ala tariqat al-salaf. Amma l'an, allez où le va'ida. Vous avez remarqué que ceux qu'ils ont appelés, c'est des gens qui n'aiment pas d'hommage. Et c'est des gens qui ne vont pas aller à la daoura. Ils lui disent, nous, on ne veut pas y aller. Laquelle, le problème, c'est que Cheikh Rabi, il a conseillé d'y aller. Donc, ceux qui ont reçu le coup de fil, t'as pas besoin de parler longtemps. Eux-mêmes, ils y vont pas. Fais un conseil pour ceux qui veulent y aller et propage-le. Amakaïf, t'attends, tout le monde, c'est pas propagé. C'est pour qui la cassette? C'est pour qui l'audio? Et là, c'est ce qu'il avait dans le cœur. Et le mouchkila, après, c'est pas une mouchkila, taïb, cet audio, il a été propagé et Katir Milanas, ils ont entendu. Ils ont vu. Hala Rajul. Qal. Hadar Allah. Dans ce charit. Qal Aish Dammaj. ماذا فيها يعني كل من جاءها أو مر عليها صار سنيا سلفيا هكذا يقول يجي سيكوا دماج أي tous ceux qui sont venus à دماج qui sont passés par دماج خلاص c'est un sunni c'est un salafi نحن نجي نعم الأصل c'est هذا بشهادة العدول من الأئمة أئمة العصر كسوا الشيخ بن باز كسوا الشيخ مقبل إلى زكي الشيخ مقبل. Et on ne fait pas la différence entre le Cheikh et le Markez. Celui qui zakki Cheikh Mokbil, c'est qu'il a zakki Dammaj. C'est lui le responsable du Markez. Celui qui zakki Dammaj, c'est qu'il a zakki Cheikh Mokbil. C'est lui le responsable du Markez. Donc si tu trouves une tezgiya sur Cheikh Mokbil ou sur Dammaj, c'est une tezgiya pour les deux. Ça va ensemble. كذلك الشيخ ربيع الشيخ الفوزان الشيخ عبد المحسن الشيخ الألباني إلى زكي الشيخ مقبل كثيرا هذا نعم c'est ça l'asr. Ça veut pas dire que واحد إلى دماج il peut pas être égaré. لا أحيانا مثلا واحد il vient il a des afkar dans le qaïda ثم quand le شيخ il s'en rend compte que ce soit le شيخ مقبل أو après le شيخ il le renvoie. نعم هذا ça arrive partout هذا. لكن l'asr c'est que cette école c'est une école de salafi. Et celui qui dit les conditions qu'il y avait pour entrer à Dammaj, la principale condition c'est que ça soit un salafi. Et qu'il soit zakki par un salafi connu. Ma'rouf had. Il m'a des frères sur place. Et Cheikh Ahyan, il ne connaissait pas. Il avait un husnul dhan et il laissait ce frère une période. S'il voyait qu'il était à la sunna, il faisait des efforts, il le laisse. S'il voit que c'est un sahib fawda, ce n'était pas un salafi, il le renvoie. Ma'rouf had. Est-ce qu'on peut prétendre ba'd hadha kulli? Tout ça. Et l'an, ça, est-ce que c'est une tazkiya de Cheikh Mokbil? Yani, kullu man ja'aha ou marra alayha sarra sunniyan salafiyan. Bah, si le Cheikh c'est un salafi, c'est ça l'asl, n'am. Comme une école d'ikhwani, celui qui va, l'asl, c'est qui veut manhaj l'ikhwan. Rubama il sépare, rubama il sort de ce asl. Lakin, nous on parle, le kalam l'an, ça fait l'asl. C'est pas dans une chose, une exception. Abadam. Kama yakoul ahl al-ilm, nadir la hukma lah. Quand tu parles d'une chose, c'est les choses générales, dès que tu veux citer un hukm. Il y a des exceptions, tu ne cites pas des exceptions. Les exceptions, c'est du cas par cas. Ammal ha'an huwa yfa'a umum. Ya'ni kullu man. Ça, c'est min alfad l'umum. Man ja'aha ou marra alayha sara sunniyan salafiyan. Nahnu lui répond, na'am. Sauf si c'est un dalil, montre-nous. Matalan, il y a des personnes, ils étaient avec nous à Dammaj, et c'est devenu des hizbis, ashab al-Bukhari. Abdurrahman al-Adani et autres, na'am. Aula, il y a des adillah. Amma. الجميع لا قال في عهد مقبل ما كانت كذلك لأن قد يقول قائل à partir d'ici il peut dire là il parle de Cheikh Yahya là écoute la fin écoute le charit entier قال في عهد مقبل ما كانت كذلك c'est un savant c'est un imam il est mort il a été beaucoup éprouvé il a fait des efforts tu le critiques ثم تقول هكذا في عهد مقبل في عهد مقبل ما كانت كذلك ça c'est خطير جدا لأن عهد مقبل comme il dit الإمام الوادعي رحمة الله عليه سديزاني المركز أسس تقريبا عام 1979 ça a commencé on va dire 1980 الشيخ مقبل il est mort en 2002 هذه c'est لا بس c'est un وقت طويل 22 ans الآن يجي في عهد مقبل ما كانت كذلك tous ces élèves tous ces دروس toute cette دعوة المركز اللي تبع على هذا فلماذا العلماء dont Cheikh Rabi, vous vous rappelez hier, Madakal, الذي لم يبالي بكلام شيخ ربيع لا تبالوا به. شيخ ربيع à l'époque, on parle نحن خاصة à l'époque شيخ مقبل et à l'époque de شيخ يحيى jusqu'à un moment avant qu'il y ait le khilaf, شيخ ربيع il disait نحن الآن, on va parler de l'époque شيخ مقبل, شيخ ربيع il disait أنه c'est أحسن مكان, celui qui va prendre الدعوة السلفية c'est أحسن مكان, les gens de Damaj ils sont كذا, toutes ces tazaki, لماذا tu ne prends pas son قول؟ قال تكون في عهد هذا أو في عهد هذا أو كما قال هايدي على بوك شيخ مقبل اللي تبع هكذا ما بالك أستيبوك لبوك الحجوري تصيف دي أدلة فاتخن سيتي دي شوف أن طعم في دعوة دي الطلاب والله الحمد بختو دان الموند دي ميلي الطلاب دي سنتين دي ليفر دي ميلي دي دوجو والله الحمد دي سيت انترنت توت سيت دعوة هائلة. Et on a vu quoi cette da'wah avec Harb al-Rafida, avec tout ce qui s'est passé. Les gens, ils ont vu et ils ont aimé cette da'wah. Il y a une phrase, Cheikh Mokbil à son époque et après. Qala Mabaluk, on fait le lien. Vous vous rappelez quand Cheikh Yahya il a parlé de Jami'a Bihaq, quand il a dit il y a des Hizbi et des Ahlus Sunnah. Faites attention, restez avec Ahlus Sunnah. Qu'est-ce qui s'est passé ? Limad al-An, hada yat'an. À l'époque de Cheikh Mokbel, il va t'en sur Cheikh Mokbel. Et ses élèves, on n'entend pas Bardennes parler. Cheikh Ubaid, quand Cheikh Yahya a parlé sur le Hizbi et sur le Jami Abihab, vous avez vu ce qui s'est passé. Les Madal An ou la Kalima. Les Madal An ne disent pas Taqillah. Cheikh Mokbel, c'est un imam de la Sunna. À son époque, ses élèves étaient à la Khair. Après son époque, Kedalik, pour celui qui a reconnu et qui a suivi et qui connaît le Haq. لكن c'est ça نحن les contradictions هذه qu'on n'a pas accepté. والله on aime العلماء, on aime السنة, tous les sacrifices qu'on fait inshallah c'est pour هذا, لكن les contradictions أبداً. Quand ils ont voulu il faut parler sur Cheikh parce qu'il a parlé de جامعة. عبد الله البخاري parle sur مقبل لا أحد يتكلم كي هذا أبداً لا أحد إلا من وفقه الله بيان سيو. قال كذلك نحن كنا إذا جاءنا رجل في أيام الشيخ مقبل من دماج نوع ما لا نسيء الظن فيه لأننا نعرف موقف الشيخ رحمه الله سابقا من بلد التوحيد والسنة وبلادنا هذه صحيح ومواقفه رحمه الله تلك التي ما كانت قال ما كانت تسر سنيا وما كان يوافقه عليها أحد من العلماء لا الشيخ بن باز ولا ابن عثيمين ولا ربيع ولا غيرهم. هذه المسألة معروفة كي سيت les problèmes qu'il y avait eu entre Cheikh Mokbel et le gouvernement saoudien. Cheikh Mokbel رحمة الله عليه il a été accusé à tort أنه il avait participé aux attentats avec Juhayman فتنة الحرم معروفة. ثم il a été expulsé, il est en prison, il a été expulsé, il est revenu à Damaj, il a fait sa da'wa. Et il y avait de la tension entre lui et le Hukuma, Hukuma al-Mamlak al-Arabiya al-Saoudiya. Tout le monde sait que Cheikh Mokbel, pendant cette période, les ulama ils l'ont zaki. Cheikh Ben Baz, il finançait, c'était une des personnes, rahmatullah alayhi, qui finançait le Markez. Cheikh Lalbani, il parlait sur lui. Bah, les ulama, Cheikh Najmi, il a nassah Cheikh Mokbel dans des choses par rapport à les kalams qu'il a sur le Hukuma. Entre ulama, tayyib. Ben, Cheikh Mokbel, rahmatullah alayhi, avant sa mort, quand il est parti en Arabie Saoudite, et ils l'ont cram, il est revenu. Et il a ordonné toutes ses livres, toutes ses cassettes, ou qu'il y ait un calame sur l'Arabie Saoudite, ça soit effacé. Alhamdulillah, ça a été fait. Limada l'an ressortir hada? Limada? C'est quoi le but l'an? T'alam, entre la mort de Cheikh Mokbel et cette cassette, il y a combien? Cheikh Mokbel est mort en 2002, la cassette elle est en 1431. Il y a 8-9 ans. Limada? Il est où le rapport l'an? إلا لماذا؟ فزابي لماذا؟ لأن الشيخ يحيى إلى على منهج الشيخ مقبل. حقيقة الشيخ مقبل إلى مين؟ لأنه إلى من منهج كله. celui qui dit l'inverse il nous montre l'adil. فلهذا هو الآن يطعن في الشيخ يحيى. et son cœur il l'a devancé il يطعن في الجميع. لأن مركز دمام c'est une دعوة c'est la même. c'est les mêmes livres c'est les mêmes professeurs c'est les mêmes. قال سبه وشتمه على بلد التوحيد. Le plus grave, c'est qu'il dit ça à des Indonésiens là. Robama, pardon, t'as raison, l'A'ajim. Pardon, ils n'ont pas de l'obl ilm. Pardon, c'est des Juhal. Robama, il y a un nouveau dans Salafia, il ne connaît pas cette histoire. Ou yarjum, hakada. Qala sabbuhu wa shatmuhu ala balad al-tawhid wa ala al-malik al-fahd. Rahimahullah. Wa ghayrihim. Cheikh Mokbel, il est revenu sur ça. Qala rajulun salih taaba qabla an yamud bi shahrayn. Rajulun salih, c'est un imam fi sunnah. تاب قبل أن يموت بشهرين. قال ولذلك ما كل من جاءنا كان من دماج على أنه سني. الآن il explique pourquoi. C'est pas tous ceux à l'époque qui venaient de Damaj, on les prend pour des sunnis. قال نظن الناس هكذا أفكارهم متأثرة بشيخهم أنهم خوارج في هذا الفكر. الحقيقة il connaît pas la différence entre خوارج والبغاء. لأن ceux qu'ils appellent à الخروج أو الطعن في الحكام, c'est pas forcément le kafar bil kaba'ir. Il y a une différence entre khawarij wal bugha. C'est معروف في كتب العقيدة. لكن هذا خلط. Khawarij, c'est une aqida. Celui qui fait une kabira, c'est un kafir. Cheikh Mokbil, rahmatullah alayhi, il a jamais eu هذا أبدا. Cheikh Mokbil, il y a eu des tensions avec l'amir d'Arabie Saoudite. Il y a eu des tensions avec le hukouma. Et t'as même pas cité tout ça, il est revenu. En plus, le rajoul, il est mort. Il n'y a aucune faïda. Et c'est un imam de la sunna. Thomas, il cite ce mot, khawarij. Nous, on lui montre qu'il y a une différence. Il y a une différence entre le khawarij, ceux qui kafra bil kabira, et ceux qui ta'an fil hukam. Il y a une différence. Et les deux, c'est khata. Le cheikh Mokbil, walillah alhamd, il est ni d'haoula, ni d'haoula. Lakin, pour montrer qu'il y a le kalam, il n'est pas mawzoul. Et c'est grave, ça. Il se met, n'avons les nazes, hakada afkarum, mutaathira bi shirim, annahum khawarij, y'a d'alfi. Et mad, à l'époque de Cheikh Mokbil, quand un frère venait de Damaj, hada, il dit, ils n'avaient pas confiance. Rubbama, il a le même fikr que leur shir, khawarij. Thumma, il dit, j'ai pas d'al. Eh, le khawarij, c'est une tesquia. Rajulun salih tab qabla shahrain. Ça veut dire que pendant des années, depuis la fitna qu'il y a eu en Arabie Saoudite, jusqu'à deux mois avant sa mort, il n'était pas à l'al-haq. Thumma il a fait tawba. Hada c'est un kalam sahih al-an. Ah, les ulama, ils ont des choses tuntaqad alayhim rubbama. C'est un savant de la sunna, lakin s'il a fait tawba, il a fait tawba. Et Cheikh Mokbil, c'est un imam fi sunna. C'est un imam fi l'aqida, c'est un imam fi tawhid. Le bien qu'il a fait au Yémen, ceux qui sont venus au Yémen et qui connaissent le Yémen, ils arrivent là. Qala wa dhalika al-ahd. نحن ما أحسن الظن بكل من جاء ولا أسأنا الظن بكل من جاء كيف هذا؟ يدي سكي فينا لفكرة مقبل ونبي با حسن الظن ونبي با سوء الظن كيف هذا؟ إما تحسن الظن إما تسوء الظن si tu sais pas الأصل vient de Damaj Cheikh Mokbil il est à la khayr c'est ça et si t'as سوء الظن tu montres أما الآن il va pas صرح أما لا شك أن si ils ont des أفكار de خوارج tu vas avoir سوء الظن قال نتوقف في أمره ما ندري إيش يكون. كأنه vient de la jungle. ما ندري إيش يكون. طالب فاضل. الله لزلف شيخ مقبل كثير منهم. تتنبع leur niveau لا في علم لا في عبادة لا في صبر لا في قوة كثير منهم. أما ما ندري إيش يكون c'est un طالب فاضل. Et s'il a un خطأ montre lui. أما هذا الأسلوب ما يليق. ما ندري إيش يكون. كيف ما ندري إيش يكون. C'est un مسلم, c'est un سني, c'est un سلفي. يتظن أن أن الشيخ مقبل إلى الفي سي الطلاب على التقليد أنه lui il avait des problèmes avec l'Arabie Saoudite il a parlé sur certaines choses tu crois que ses élèves étaient tous على هذا لا il n'y a pas de تقليد الشيخ يحيى il a déjà démontré أن الشيخ مقبل il est revenu et انت لكن الله المستعان قال الآن في هذا العصر تبغانا نثق بكل من خرج من تلك الدار وفيه هذه السفاهات وهذا الحمق الآن يبغى. Il a démontré qu'à l'époque de Cheikh Mokbil, ce n'était pas clair. Mais à l'époque de l'an, vous avez remarqué ça ? Beaucoup de gens, ils sont à la hada al-haqiqa. Pour faire tomber Cheikh Yahya, ils ont du mal. Et à Cheikh Yahya, il est à la manhaj Cheikh Mokbil. Mais à l'époque, il a foncé. Il a descendu la rutba de Cheikh Mokbil, démontré qu'à leur époque, ce n'était pas clair. Mais à l'époque de l'an. Est-ce que, qadr, enfin, taqdir, Cheikh Mokbil s'est trompé dans une chose ? Est-ce que ça implique que Cheikh Yahya s'est trompé ? Ah, peut-être. Est-ce que Cheikh Yahya a une erreur ? Ça implique que son Cheikh a une erreur ? Abadan. Lakin il essaye de faire le lien dans une chose, tata'ajjab. Qala al-an fi hadha al-asr tabghana nathiq bi kulli man kharaja min tilka ad-dar wa fihi hadhihi as-safahat wa hadha al-humq wa at-takalub 'ala mashayikh ahli as-sunnah wa sab Cheikh Ubayd. Isma. Tu lis l'an, t'as l'impression que Cheikh Yahya s'est levé un matin et il a dit allez, ashab Damaj, vous me suivez tous, on insulte Cheikh Ubayd. Ka'annahu hakadha. Taqillah. والله عبد الله البخاري vous avez remarqué dans la مسألة في الجامعة on l'a pas beaucoup entendu il sait très bien أن في الجامعة يد منحرف عبد الله البخاري لأن عبد الله البخاري il est proche de الشيخ محمد بن هادي الشيخ محمد بن هادي il a démontré أن فيها جميع الأهواء عبد الله البخاري il sait très bien هذا il sait très bien que مسألة الجامعة ça a commencé par هذا فلماذا ce manque d'insaf والسب الشيخ عبيد Il oublie quand Cheikh Ubaid il a dit Safi Ahmak, et il a ta'n. Cheikh Yahya, il a défendu son honneur, bihaq, et il a le droit. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Ça c'est qawl Allah Azza wa Jal. Amma ce kalam là, ce kalam il est basé là sur l'atifa, sur les sentiments. قال والسب شيخ عبيد وكل مشايخ اليمن اسك الشيخ يحيى الى انسلتي مشايخ اليمن ابدا لا فتنه كي الوصابي الى ربي حق وصابي كذلك يجي ان شيخ يحيى حسن كذاب فقد اي لا ريبوندي فقط شيخ الامام شيخ البراعي توسا يا خلاف في لغه المنطقه بكتاب الابانه بادب يا باي دانسلت ولله الحمد وكثير من مشايخ اليمن دي غران زيلف دو شيخ مقبل سا سباس تري بيان شيخ محمد مانع شيخ احمد بن عثمان كثير كي صنع الآن من مشايخ من طلاب شيخ مقبل سا سباس تري بيان افيك شيخ يحيى اي نحن ني با على الكثره كذلك سي اي سون على باطل اي ان اللي على حق الحق يباصوا الان هو اسكي لا فا شيخ مقبل سي كو نحن الان اون لي ريبون تاكو شيخ يحيى انسلت شيخ عبيد مشايخ اليمن اي انت الان تاكو شيخ مقبل اي تو سي زيلاف اي دون لي زيلاف شيخ مقبل يا دي سافون لأن سكيب خطأ الآن والسب شيخ عبيد وكل ما شيخ اليمن ليوصل الطعن لأن سكيب خطأ الآن أن شيخ مقبل لا في دو بوا دو موا افون سا مور لا في التوبة اسكو لي زيلاف دو شيخ مقبل ils ont fait التوبة لأن pour lui dit les élèves ils étaient à la figure شيخ مقبل c'est pour ça qu'ils savaient pas comment faire est-ce qu'ils ont fait التوبة شيخ مقبل la fait التوبة c'est واضح les autres ils ont fait التوبة on sait pas على قوله لا تتعجب من هذا الكلام قال كل ما شيخ اليمن الوصابي وما أدري من ايش الكلام الفارغ هذا يا الله نحن سيسي لك الكلام الفارغ كلام فارغ سيسي خالف الكتاب والسنة نعم ترى قضية واضحة انا نسيتك الكزون ونغزم او نغجب ان pourquoi ce شريط او اوه انا بالو كلام التوبة نقرأ كلام التوبة ثم قال donc ce كلام 1431 تقريبا il a été caché pendant longtemps. Avant j'ai noté, non. Cette Tawba qu'on va lire, l'an, elle est sortie après la cassette un an et demi. Les mains, si tu t'es trompé, t'attends un an et demi pour faire Tawba. Est-ce que si la cassette ne serait pas apparue, t'aurais pas fait Tawba? La Tawba, tu l'as fait quand la cassette elle est apparue. Si elle ne serait pas apparue, tu serais resté à la hadd al-ta'n. Hadd al-ayjouz, la Tawba c'est une ibad. Les mains d'attendre un an et demi. Pendant les un an et demi, donc tu étais convaincu que Cheikh Mokbid était à la hadd al-fikr. C'est ça qu'on considère maintenant. Pourquoi pendant un an et demi personne montre? Ou quand la cassette elle a apparu? Les gens ne savaient pas. La cassette elle a apparu quelques semaines après l'imad. Ceux qui aiment tant l'ulama, pourquoi ils n'ont pas démontré ce khata? Kadhalik, qal, on les tauba, bisur'a qal, wa in. Il y en a, ils ont reproché ce kalam quand il a été propagé. C'est wadih, fait ta'an, Cheikh Mokbid. Haqiqa, celui qui a du insaf, c'est wadih. Si tu enlèves le nom d'Adlal Bukhari, maintenant, et tu aurais lu ce kalam à une personne, tu aurais dit, qu'est-ce que tu en penses? Il aurait dit, ah ouais, hada ma'a Cheikh Mokbid. Ma balouk, tu aurais mis Al-Hajouri. Qal Al-Hajouri, Cheikh Mokbid, ala. Oh, qu'est-ce qui serait passé? Thumma. Qal, isma, la tawba. قال وإن كان فيها إلي غبخشي قال وإن كان فيها من إيهام فنبرأ إلى الله جل وعلا منه وإن كان أورث معنى فاسدا فنعود بالله من هذا المعنى الفاسد ثم قال نبرأ إلى الله مما قد أوهمته هذه العبارة إلى آخره زي ما حكيت سي vous avez compris de ce كلام طعن فأستغفر الله سي vous avez compris de ce كلام معنى فاسد et celui qui a pas compris ماذا الكلام اللي على الظاهر اللي واضح ça montre que si tu as fait une faute, tu dis j'ai dit ça sur Cheikh Mokbid, je me suis trompé et astaghfirullah wa atubu ilayh. Ces élèves kadhalik, tu dis tu t'es obligé de ta'tadir minhum, tu demandes pardon et afallahu anhu. Amma si vous avez compris, il ne veut pas montrer qu'il a ta'am directement. Lakin si une personne a compris hada, je m'excuse. Na'oudou billah. C'est comme si wahid il boit de l'alcool. Maintenant, tu sais, un taille dit là, si tu m'as vu, je fais tauba. Si tu ne m'as pas vu, je ne fais pas tauba. C'est le chéri. Maintenant, vous avez une rumeur, un wahid, il a bu de l'alcool. On le conseille. On le fait, ah, tauba, il a barre, taqillah. Il dit, moi, je fais tauba si vous m'avez vu. Si vous ne m'avez pas vu, je ne fais pas. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas vu? Là, Obama, il a vu. Là, la tauba, c'est par rapport à toi. La tauba, c'est par rapport à Allah Azza wa Jalla, c'est pas par rapport aux personnes. Si tu as fait un zamb, Allah, il le sait, fais tauba. Ah. Thaniyan, kadhalik, pourquoi, et on l'a cité, pourquoi ce rob, pourquoi cette tawba un an et demi après? La cassette n'était pas propagée. Non, mais lui, il savait qu'il avait fait ta'ab. C'est lui, le sahib al-Sharit. Mais toi, non, t'as su après. Mais lui, quand il a enregistré la cassette, il savait très bien. La preuve, il a dit, propage, ne la propagez pas. L'imam, là, il a entendu tout ce temps. Et là, parce que Sharit, il est sorti, et Al-Kalam, il était sa'ab. Allez. Thalithan. كذلك في التوبة on est obligé d'appliquer كلام الله عز وجل إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا شوف التوبة شوف الإصلاح بفساد كتافة أي tu demandes pardon si un pardon a demandé et البيان كذلك tu montres t'as propagé un audio tu le propages. Ah, l'audio, le premier s'est propagé, malgré qu'il ne voulait pas, la tawbah doit être propagée. Elle doit être bisidq wa ikhlas. Tu as fait une erreur, tu dis j'ai fait une erreur ou atoubi l'Allah. Amma si là. Kadhalik min al-ajib, fi hadha al-hal, anna les élèves de Sheikh Muqbil an, khasatan amma ceux qui sont à la tabat, Sheikh Yahya wa ghayruh, ils ont démontré. Sheikh Yahya, dès que l'audio est sorti, le jour d'après, il a fait l'erreur. لماذا الآن لزلف الشيخ مقبل دائما المفتونين هؤلاء يدزنوا الشيخ مقبل وزابي شانجي المركز دو الشيخ مقبل مام لاقيه وزابي مركز فقل وزابي ضيع المركز دو الشيخ مقبل الشيخ مقبل مام شيخ عبيد بدغني كلام كانت يلادي إبليس اليمن يلادي ضيع المركز لماذا au minimum une réplique على عبد الله على عبد الله البخاري شخطوا لغران زلف الشيخ مقبل لماذا يلو ديز تقل الله الشيخ مقبل زان الإمام للسنة تقل الله تنوز أكوز دت على هذا الفقه لكن ولا شيء والله بعضهم شيخ محمد الإمام après ce كلام يزيد الشيخ البخاري إلى اليوم est-ce qu'il a osé lui dire يا أخي الكلام هذا il est pas صواب الله أعلم et même normalement ça doit être en public نصحا للمسلمين لكن لماذا ils n'ont pas parlé لأنه ça aurait renforcé la position de Cheikh Yahya صلى الله العافية والثبات والسلام أما أهل الحق يستغون jamais أبدا montre الحق et توكل على الله celui qui veut parler il parle عند الله سبحانه وتعالى يظهر الحق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك مع تحية دماج افاق.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء إثعابي